parents. M'a prié, m'a brûlé, m'a dit ça me fait m'a payé. Où aller, où bando, m'a monté le ciel panneau. Depuis où aller à moi fina royo, tant qu'on égale tout non maroso. Depuis où aller à moi fina royo, monte kili manjao. Je me sens si seul, je ne veux pas de père sinon il va crever. Je veux que tu me reviennes, je me sens si seul, je ne veux pas de père sinon il va crever. Où manquez-vous, baby, qui la va tourner? Absazouran, vis-moi misérable. Venez, je vais me donner ta fierté. Braclerai chaque jour pour noyer d'où l'aime. Ton odeur me manque, ta chaleur me manque. Sans toi, je ne pourrai jamais continuer. Ton odeur me manque, ta chaleur me manque. Sans toi, je ne pourrai jamais continuer, bébé. Mr. Good, good to go. Boom.